Bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur Radioactive dans un nouveau mag et aujourd'hui, on vous emmène avec nous à La Charpente, un lieu culturel amboisien qu'on aime beaucoup et qui fête ses 10 ans, c'est samedi 4 et dimanche 5 mai. Et à La Charpente, la maîtresse des lieux, c'est Anne-Laurence Badin, ou Nanou, co-créatrice de ce projet avec Alex. Bonjour Nanou. Bonjour. Alors, La Charpente, c'est un lieu d'accueil artistique qui était un atelier de charpentier et que l'association a entièrement restauré pour en faire une salle de spectacle dans le but d'y accueillir des artistes du spectacle vivant. Donc on y retrouve finalement de la danse, de la musique, du théâtre, un petit peu de tout. C'est un lieu qui est entièrement équipé techniquement et on peut le dire tout confort. Alors Nanou, est-ce que tu peux nous décrire l'espace un petit peu, parce que les auditeurs ne voient pas, mais comment c'est fait ici? Il va falloir venir ce week-end en fait. En fait, le lieu donc, a été séparé pour faire en fait la salle de répétition, qui peut servir potentiellement de salle de spectacle, effectivement. Il y a une loge aussi pour les artistes, évidemment. Il y a un foyer qui est un lieu du coup d'échange et de partage avec un bar, puisque à la sortie des résidences, des présentations d'étapes de travail avec les artistes qu'on accueille. Donc, il y a un temps d'échange. Donc, voilà, on partage dans le foyer. Il y a une petite grignote, un petit coup à boire, histoire de papoter, d'échanger les avis des uns des autres. Et il y a une cuisine, évidemment, pour les artistes qui viennent ici, parce qu'ils sont là sur plusieurs jours. Donc, pour se faire à manger, voilà, ils sont du coup tout à fait autonomes. Et à l'extérieur, il y a une petite cour bien sympa, surtout au printemps et en été, voilà, pour être un petit peu dehors et prendre l'air après une bonne journée de travail. Alors justement, cet espace extérieur, mais pas que, va être investi ce week-end puisque La Charpente a 10 ans. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme? Alors, le programme, en fait, il est très free et qui va dépendre un petit peu des gens qui vont venir sur ce week-end, puisque nous proposons une scène ouverte. Donc, une scène ouverte aux artistes professionnels, donc que ce soit des danseurs, musiciens, comédiens, qui ont envie de présenter peut-être un projet en cours ou une étape peut-être d'un travail qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils ont envie de tester. Il y a une amie qui va faire un stand-up. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Ça va être un peu de la surprise, en fait, pour ceux qui arrivent selon l'heure, à l'apéro, plus tard dans la soirée ou à partir de 16h pour le goûter. Il peut y avoir toutes sortes de choses et ça va être improvisé, on va dire. Et dans la cour, puisque c'est ouvert à toutes et tous et pour les enfants aussi, il va y avoir des jeux aussi, que ce soit convivial et récréatif, que ce soit une fête d'anniversaire. C'est pas un week-end de programmation artistique, c'est un week-end anniversaire, donc festif. Donc les amis sont tous invités à amener leurs amis et à venir profiter de ce moment. Ça veut dire aussi que les artistes en herbe qui nous écoutent peuvent prendre contact avec toi, avec l'équipe de La Charpente, pour éventuellement se produire un petit peu? Absolument, il n'y a pas de souci. Vous pouvez du coup me contacter via le site de La Charpente, qui est assolacharpente.fr. Et puis dans le petit onglet contact, vous me laissez un petit mot, pour qu'on essaye d'organiser un peu quand même les passages, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas un embouteillage d'artistes pour tout ça, oui. Alors 10 ans, c'est pas rien, c'est un bout de vie quand même tout ça. Et moi, j'avais envie de te demander quels étaient tes meilleurs souvenirs de cette décennie à La Charpente. En fait, les meilleurs souvenirs, c'est le gros événement qu'on a fait trois fois, c'est-à-dire Pièce Jointe, qui était quand même un événement avec plein d'artistes sur des principes de performance d'artistes et qui mélangeait plusieurs disciplines. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs extraordinaires d'échange, de compétences et d'envie. Et ça, c'était vraiment des très, très beaux moments. Après, quand même, sur 10 ans, j'ai regardé un peu les chiffres, on a accueilli quand même plus de 200 équipes artistiques, que ce soit comédiens, danseurs ou musiciens. Donc, c'est assez, quand même, je l'avoue, émouvant de penser à tout ça. Et on a fait, je ne sais plus, une bonne soixantaine de sorties de résidence, donc chaque fois avec du public d'Amboise ou des environs, voire de Tours, Donc, ça veut dire que quand même, en 10 ans, on a brassé vraiment quand même beaucoup de monde. Et ça, c'est super parce que ce lieu n'est pas un lieu qui a vocation à être ouvert au public. C'est vraiment un lieu de travail pour les artistes. On n'est pas une salle de spectacle, on ne fait pas de programmation. C'est juste de temps en temps ouvert au public. Donc quand même, je trouve ça formidable de pouvoir faire un espèce de constat comme ça, constat que vous pourrez visionner, ceci dit, dans le foyer ce week-end, puisqu'on a fait un diaporama avec des photos, des travaux, des résidences, voilà. Donc il y a un petit remake là, où tout le monde va avoir un petit peu la larme à l'œil, et la séquence émotion, comme on dit, voilà, ouais, c'est ça. Et parmi toutes ces belles expériences, quel a été le plus gros défi ? Peut-être les travaux, déjà, ça a été un sacré défi, j'imagine, dès le départ, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit ? Eh bien, le défi, je crois, pour un lieu culturel, c'est de maintenir le cap. Parce que quand même, pas simple, et surtout en ce moment, et j'avoue, je ne sais pas trop où on va. J'espère qu'on fêtera quand même les 20 ans. Mais le gros défi, c'est de maintenir un cap, voilà, et d'essayer de continuer à exister, à ouvrir notre lieu pour des créations, quelles qu'elles soient, dans tous les styles, dans tous les genres, ouverts à tous, pour les professionnels bien sûr, mais voilà, d'essayer de garder le cap, ça c'est l'important, ouais. C'est pas le défi le moindre. Non. Alors, ceux qui veulent soutenir le projet associatif de la charpente dans son ensemble peuvent adhérer, c'est 12 € à l'année. Comment on fait pour adhérer ? C'est super simple. Alors, soit vous vous précipitez ce week-end à la charpente et il n'y a pas de souci, on sera là pour vous accueillir. Soit vous pouvez passer par le site de la charpente, donc assolacharpente.fr, via Hello Asso. Voilà, oui. Vous pouvez faire une adhésion à 12 €, donc valable un an de date à date, et qui du coup effectivement soutient donc l'objet associatif, mais aussi voilà en fonction des activités qu'on peut proposer au public, vous donnera des tarifs évidemment préférentiels, mais c'est surtout un engagement à soutenir un projet associatif, et on peut faire des dons aussi, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique, donc vous pourrez avoir le petit rescrit fiscal qui va bien. Très bien, parfait. À quelle heure est-ce qu'il faut venir, samedi et dimanche ? Eh bien, c'est à partir de 16h, donc voilà, c'est quand vous voulez, après la sieste du petit, ou pour l'apéro pour les grands, enfin voilà, c'est open, c'est comme vous avez envie, comme vous pouvez. Et c'est accessible aux personnes à mobilité réduite, c'est toujours important de le rappeler. Absolument, puisque c'est tout plein pied, donc il n'y a vraiment aucun souci. Merci beaucoup Nanou, on espère que ce week-end sera ensoleillé. En tous les cas, s'il ne l'est pas dans le ciel, il sera dans les sourires. Ça, on n'en a aucun doute. Merci encore de cet accueil. Un petit mot pour nos auditeurs. Ben, si vous ne voulez pas cuisiner samedi soir et dimanche soir, il y a une petite restauration, bar et tout ça, bien sympa, qui sera dans la cour aussi. Voilà. Tout est prévu. Merci beaucoup Nanou. Merci à vous, au revoir. C'est la fin de ce mag, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition.